Vous êtes à l'écoute du territoire. Le territoire compte pour ses habitantes et ses habitants. Et au niveau régional, au niveau local, cet attachement se sent, il se voit. Les groupes citoyens se mobilisent et les élus mettent en branle une panoplie de projets et de réglementations. Et ce qu'on observe, ce qu'on entend un peu partout sur le territoire du Québec, c'est le désir d'autonomie des municipalités. Toutefois, elles se butent à des contraintes économiques et humaines qui les limitent dans leur champ d'action. Je suis Paul Fontaine et cette semaine, à CISM 89.3, pour le troisième et dernier volet de notre mini-série « Pouvoir et contraintes » au cœur du territoire municipal, il sera question d'exploitation minière. Le sous-sol du sud du Québec est l'objet de nombreuses prospections parce qu'il est riche en métaux essentiels à la transition énergétique. Et en surface, cela se voit par la multiplication des titres miniers. Certaines municipalités s'en inquiètent, alors que d'autres s'en réjouissent. D'une part, le souci de préserver le territoire et les activités qui s'y déroulent. D'autre part, le désir d'un essor économique et la quête de vitalité qu'il représente. Et entre les deux, aussi difficile à dénicher qu'un filon d'or, l'acceptabilité sociale. Voici « Ville et fracture, le claim de la discorde », un reportage de Renaud Chicoine-McKenzie. On vit un boom minier dans le sud du Québec, comme ailleurs dans le monde, propulsé entre autres par les besoins en minéraux critiques de la transition énergétique. On tend à imaginer les effets de l'industrie minière gigantesque et relativement isolée géographiquement. D'immenses trous ponctuant le nord du territoire de la province, par exemple. Or, ce n'est pas tout à fait le cas. D'une part, le sous-sol du sud du Québec, c'est-à-dire en bas du 49e parallèle, intéresse de plus en plus les investisseurs pour leurs réserves en graphite, en terres rares et en or. Mais un autre effet du boom minier, plus secret celui-ci, c'est la démultiplication des claims miniers. Rodrigue Turgeon, co-porte-parole de la coalition Québec Meilleure Mine et co-responsable du programme national chez Mining Watch Canada. En ce moment, le Québec minier est traversé par un boom qui n'est pas sans précédent, mais qui est d'une très grande ampleur. Depuis les deux dernières années, il y a eu une augmentation de 40 % du nombre de claims qui ont été émis à l'échelle de la province. Pour vous donner une idée de l'ampleur du territoire couvert par les claims miniers en ce moment, il y a 115 pays dans le monde qui ont une superficie inférieure à celle occupée par l'ensemble des 240 000 claims miniers qui constellent le territoire de la province. Les claims miniers sont des droits d'exploration sur un territoire. Il est possible d'en acquérir sur le site Internet du gouvernement québécois très facilement et avec une poignée de dollars seulement. Si la très grande majorité des claims n'aboutissent pas en exploitation minière, leur présence seule inquiète les citoyens dont la propriété est sujette à un claim minier, de même que les municipalités qui craignent de voir leur autonomie bafouée. Au Québec, la loi sur les mines a priorité sur la volonté municipale. Une ville ne pouvait pas, jusqu'à tout récemment, interdire l'exploitation minière sur son territoire. Et depuis 2016, son seul outil est de demander au gouvernement provincial de reconnaître des territoires incompatibles avec l'activité minière, des TIAM. Or, ce système n'est pas au goût des gouvernements municipaux, au point où en septembre, la Fédération québécoise des municipalités a publié une lettre ouverte interpellant le gouvernement provincial à ce sujet, puis une autre au début du mois de décembre, à travers les mots de son président, Jacques Demers. Ce qui est arrivé plus récemment, c'est que les gouvernements ont demandé aux MRC de mettre sur leur territoire, dans les municipalités, les endroits qu'ils considèrent qu'ils doivent être protégés, c'est-à-dire des endroits où il ne pourrait pas y avoir de mines dans ces cas-là. Puis c'est là-dessus que ça accroche, parce qu'on avait à faire ça, mais avec des paramètres très précis. Puis là, on se rend compte qu'il y a des choses qui n'ont pas, présentement, qui ne sont pas protégées parce qu'on ne pouvait les entrer dans la protection. Mais beaucoup d'endroits vont vous parler particulièrement des paysages que ça fait 20, 30, 40 ou 50 ans qu'ils protègent, qui maintenant ne le seraient plus à cause de la façon qu'on regarde maintenant le territoire. Si le régime actuel est insuffisant, selon Jacques Demers, c'est qu'il n'aboutit pas à l'autonomie des municipalités, mais leur donne plutôt un outil qui ne prend pas en compte leur diversité, de même que l'étalement historique du territoire habité. On est basé à vouloir protéger ce qui est les périmètres urbains. Mais on a plein de municipalités au Québec que la définition du périmètre urbain en milieu rural est complètement différente. Tout ce qu'on a des municipalités que dans les 30 dernières années ont doublé et plus de population, mais il ne s'est pas rajouté une maison dans le périmètre urbain. C'est pas là que les gens ont été situés. C'est quand que les agglomérations principales ne sont pas le périmètre urbain. Puis là, on arrive et on dit, bon, mais c'est pas l'intérieur du périmètre. Or, donc, on peut avancer pour des mines. Bien, on se trompe, là. C'est qu'on ne connaît pas ce secteur-là. On mesure le désir collectif d'aller de l'avant avec un projet d'exploitation minière grâce au concept d'acceptabilité sociale. Puis la définition d'acceptabilité sociale, c'est pas clair pour tout le monde. Lorsque c'est un besoin commun, bien souvent, on finit qu'on se permet des choses d'aller plus loin. Mais je pense qu'il faut peut-être regarder dans chacun des territoires, puis essayer encore de protéger des endroits où ce qu'on veut protéger des paysages et protéger la beauté de nos milieux. On mesure ce désir collectif grâce au concept de l'acceptabilité sociale, une notion qui prend de plus en plus de place dans le débat sur l'exploitation minière. Mais son manque de clarté pose problème. Et son instrumentalisation par l'industrie inquiète des activistes comme Rodrigue Turgeon, pour qui le régime minier est hautement anachronique. On est dans un régime dépassé, un régime archaïque qui est hérité de la ruée vers l'or en Californie dans les années 1850. C'était ce modèle-là de dire qu'on donne accès au territoire aux prospecteurs miniers, on bafoue les droits des peuples autochtones. Bien, c'est la logique qui prédomine, qui prévaut en ce moment, là, clairement, là, dans le droit minier actuel. Et pour qui, l'idée que le boom minier actuel est un mal nécessaire pour abandonner les énergies fossiles est pour le moins exagérée. Le boom minier au Québec, là, auquel on assiste, n'est pas gouverné par les minéraux critiques et stratégiques. Le portrait factuel démontre que 71% des investissements dans l'exploration minière sont destinés à éventuellement l'exploitation de l'or. C'est l'or, c'est les minéraux, les métaux de luxe là, qui gouvernent le paysage en ce moment sur la carte minérale du Québec, des claims miniers. C'est pas le lithium, c'est pas le graphite. Ces deux minéraux-là combinés, qu'on entend souvent parler pour les batteries de véhicules, ensemble, représentent seulement 5,6% des dépenses d'investissement. Pour mieux comprendre, premièrement, ce que réclament les municipalités du gouvernement québécois, ensuite, ce qu'elles peuvent espérer recevoir de l'industrie en cas de bonne entente, et enfin, ce qu'elles ont comme outils pour contrer des projets miniers en l'absence d'une réforme de la loi sur les mines, nous avons rencontré des citoyens et des élus de trois municipalités, Argenteuil, Saint-Michel-des-Saints et Lac-des-Plages. La première, Argenteuil, est une municipalité régionale de comté, une MRC. En 2019, elle a organisé deux forums de consultation citoyenne pour dessiner une carte des territoires incompatibles avec l'activité minière, les fameux TIAM, qu'elle a demandé au gouvernement québécois de reconnaître. En tout, ces TIAM représentaient 87% du territoire de la MRC d'Argenteuil et protégeaient les milieux de villégiature, les espaces naturels fragiles ainsi que l'ensemble des zones agricoles. Ils ont été, pour la plupart, refusés par le gouvernement du Québec. Nous avons parlé à Éric Morancy, directeur du service de l'aménagement du territoire d'Argenteuil, et à Éric Pelletier, son directeur général. Cœur d'une MRC, la première responsabilité, c'est de faire de l'aménagement de son territoire selon les volontés de tous et chacun pour protéger l'écologie, l'environnement, le développement économique, etc., etc. Mais quand vient le temps de parler de mines et d'exploitation du souterrain, c'est pas le cas du tout. La loi sur les mines passe par-dessus. Le fait de donner au MRC un pouvoir d'identifier des tiams, ben on se dit, Colin, la lumière au bout du tunnel, elle apparaît, mais tout est normé. C'est tout est une... On ne peut pas identifier les tiams où on veut. Il y a différents critères établis par le MEN, le ministère Énergie et Ressources naturelles, qui a changé de nom là, récemment. Là. Mais et si tu ne suis pas cette recette-là, ben ta proposition de tiams est rejetée par le gouvernement du Québec. La frustration qu'éprouvent les élus d'Argenteuil provient de l'apparent déficit démocratique qui découle, selon eux, du manque d'écoute dont bénéficient les citoyens de la MRC. Leur volonté ne devrait-elle pas constituer les bases de l'acceptabilité sociale? Je comprends le gouvernement d'avoir un droit de regard sur qu'est-ce qui est tiamé et qu'est-ce qui ne l'est pas, parce que ultimement, ça en prend de l'exploitation minière et tout ça, mais... L'acceptabilité sociale, en fait, pour nous, là, c'est qu'on a plutôt tourné ça en disant comment vous voulez... C'est quoi qui est important pour vous, les citoyens, dans le contexte d'Argenteuil? Est-ce que vous pensez qu'il y a des éléments c'est difficile d'harmoniser avec l'exploitation minière? Mais l'acceptabilité sociale est une notion floue. L'acceptabilité de quoi, d'abord? Si les tiams sont des véhicules pour l'acceptabilité sociale, l'acceptabilité sociale s'applique à l'activité minière généralement, plutôt qu'à un projet particulier. Et puis, l'acceptabilité par qui? Et comment la mesure-t-on? Les questions abondent dès qu'on commence à réfléchir à l'application du concept. Corinne Gendron est professeure au département de responsabilité sociale et environnementale de l'École de la gestion à l'UQAM. Elle est une des spécialistes les plus en vue de l'acceptabilité sociale, qu'elle définit comme voici. C'est l'assentiment d'une population qu'un projet est supérieur aux alternatives incluant le statu quo. L'acceptabilité sociale prend pour objet un projet et non l'activité minière en général, selon la chercheuse, et est déterminée par un ensemble de facteurs. Alors, le jour où on utilise le mot acceptabilité sociale, c'est la plupart du temps dans des cas de non-acceptation, c'est-à-dire dans des cas où il y a une protestation qui s'organise contre un projet. Puis là, il faut voir que, parce que vous disiez qu'un projet ait telle ou telle caractéristique, en fait, il n'y a pas juste le projet, il y a aussi beaucoup, beaucoup le promoteur ou le décideur qui va déterminer si les gens vont être suspicieux ou non par rapport à un projet. Donc, ça se peut qu'on n'ait pas tant d'informations que ça sur un projet, mais que le promoteur ou le décideur, il est tellement bien perçu, il a un historique fantastique auprès des populations, etc., que les gens, même sans avoir tant d'informations que ça, font confiance. Alors que dans d'autres cas, une entreprise qui est très mal perçue, qui a des mauvaises expériences avec son territoire d'accueil, pourrait concocter un super projet qui vraiment, dans les faits, serait très bon, mais il susciterait beaucoup de suspicions et de protestations parce que on fait pas confiance au promoteur. Donc, c'est pas juste le projet, c'est beaucoup, beaucoup le promoteur et le processus décisionnel. Donc, comment est-ce que le projet a été construit? Est-ce qu'il a été co-construit ou il a été développé dans un laboratoire loin des yeux? Et puis qu'on essaye après ça de le présenter d'une façon très technique, c'est pour que les citoyens comprennent rien et puis les citoyens se sentent exclus du processus. En plus de la complexité de son fonctionnement interne, le concept d'acceptabilité sociale varie selon qui l'interprète, de même qu'il tend à se développer historiquement. C'est à peu près toujours le cas quand on parle, par exemple, de développement durable, de biodiversité, etc. Les acteurs ont toujours des définitions qui leur sont propres, puis parfois même ça peut être des définitions qui amènent à des compréhensions complètement divergentes d'un même objet. Il faut dire aussi qu'au départ, l'acceptabilité sociale, ça a été beaucoup promu par des entreprises qui cherchaient l'acceptabilité sociale de leur projet. Fait qu'au départ, l'expression était très mal reçue parce que les citoyens, les groupes considéraient que ça référait à des stratégies d'acceptation sociale. Puis, peu à peu, c'est comme le mouvement un peu inverse du développement durable, c'est-à-dire que pour le développement durable, c'était plus au départ écologiste, puis ça a été réinterprété par le milieu des affaires. Là, on dirait que c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que c'était des pratiques qui visaient donc à faire accepter des projets qui étaient souvent nommés par le terme d'acceptabilité sociale, puis cette expression-là a été réappropriée par des chercheurs dans un autre contexte pour comprendre plutôt les dynamiques d'acceptation des projets, comment est-ce que les citoyens soit protestaient et pourquoi, ou au contraire acceptaient des projets. Et donc, je dirais que le concept au cours des dernières années a été vraiment réinterprété plutôt par des chercheurs et a perdu sa connotation, pas chez tout le monde, mais a quand même perdu sa connotation très industrielle qu'il pouvait avoir avant. Pour Corinne Gendron, la notion d'acceptabilité sociale est dans l'ensemble positive et grâce à elle, le rapport entre l'industrie minière et les populations locales s'est amélioré. Un grand chantier est en branle à Saint-Michel-des-Saints, dans la Naudière, dans la MRC de Matawinie. La petite ville d'environ 2500 habitants à l'année verra s'installer, à seulement quelques kilomètres de son centre urbain, la plus grande mine de graphite en Amérique du Nord. Selon le maire de Saint-Michel-des-Saints, Régent Gouin, ce projet de la compagnie Nouveau Monde Graphite s'inscrit en continuité avec l'identité historique de la ville. Bien, Saint-Michel a été fondé en 1864, la famille et conseil municipal. Puis, ils pensaient de faire des cultivateurs avec nous autres. Mais c'était une place de sable. Ça a fini qu'on a été des cultivateurs forestiers. Le tourisme qu'il y avait chez nous dans les années 30, 40, 50, c'était des touristes américains, comme dans beaucoup de villages, ou qui venaient pour la chasse et la pêche. Le réservoir Taureau, c'était une place où que moi, je suis né sur le bord du réservoir, mon père avait un moulin, mais je m'en rappelle très bien, là, dans les années jusqu'en 91, il y a eu une flottaison de pitounes. Fait que c'était pas une place touristique pour la villégiature, je te dirais, là, tu sais. Fait que pour chez nous, principalement, on a tout le temps vécu, comme je t'ai dit, de ressources naturelles. Selon Régent Gouin, la mine pourrait venir revitaliser Saint-Michel-des-Saints en incitant de nouveaux résidents à venir s'y installer. Et moi, c'est pas bien compliqué. Moi, quand je suis allé vivre là, 9 ans, ça fait 9 ans que je suis maire à Saint-Michel-des-Saints. Le village était en train de fermer. Il y avait 40 maisons à vendre. L'usine de panneaux, qui employait 200, ben c'est pas 300 personnes, mettons, ben elle a fermé d'un coup sec, il y a 15 ans. Puis la série aussi. Fait que là, ça a fait que le village a été ébranlé. Puis les autres qui vont arriver, puis ils ont déjà pas mal de monde engagé. Qu'est-ce qu'on voit? Bien, c'est 200 employés. Pour moi, c'est... Je pense pas qu'on ait 100 % des gens qui vont venir rester chez nous. Mais moi, je pense que 50 % de ces gens, de ces travailleurs-là vont s'installer chez nous. Fait que c'est 100 familles qui peuvent venir s'installer. C'est une garantie d'école, de service, d'enfants, d'avoir une saine communauté, pas que des retraités. Mais si le maire Régent Gouin porte le discours d'une partie de la population pour qui le projet de Nouveau Monde Graphite est acceptable, il reconnaît ne pas représenter l'ensemble de la population de Saint-Michel-des-Saints. En fait, il est tout à fait conscient que son point de vue n'est pas partagé par les villégiateurs de la région, par exemple, qui ont des chalets dans la Naudière justement pour profiter de la tranquillité de la nature. C'est certain que pour des personnes qui s'en viennent à la retraite chez nous en villégiature, ben, que ce soit l'opération forestière ou l'auberge Taureau ou la mine, mais la mine pire encore, parce que c'est mettons, le plus X des travails, ben, c'est pas positif. T'sais, ça ne sera jamais parce qu'ils n'ont pas besoin de travailler. Les autres s'en viennent à leur retraite à Saint-Michel ou dans nos paroisses. Que c'est un petit peu ça. Moi, chez nous, si je me fierais qu'aux touristes, puis c'est pas parce que je suis contre le touriste, là, je suis pour. Mais si on s'aurait fié qu'aux touristes, aujourd'hui, le village, ben, premièrement, il n'y aurait pas d'école secondaire, pas d'école primaire. Il y aurait beaucoup de services qu'on n'aurait pas. Est-ce que c'est ça qu'on vise? Ben, moi, je te dirais non. L'acceptabilité sociale est-elle vraiment atteinte dans le cas de Saint-Michel-des-Saints? Le Bureau d'audience publique sur l'environnement, le BAP, soulevait dans son rapport sur le projet de Nouveau Monde Graphite qu'il existait d'importantes divisions au sein de la communauté et qu'il serait mieux de les raccommoder avant d'aller de l'avant. De son côté, le gouvernement a plutôt décidé d'aller de l'avant avec le projet tel quel, et la compagnie Nouveau Monde Graphite assure de son côté avoir fait toutes les démarches pour la communauté. Julie Paquet, vice-présidente communication et stratégie chez Nouveau Monde Graphite. Bien, il y a eu un travail vraiment de très près qui s'est activé avec la municipalité, avec les Atikamekw, avec les citoyens, les groupes d'opposants, les groupes de villégiateurs pour échanger sur ce que ça représente, l'activité minière, de nouveau dans la région, quelles seraient les conditions gagnantes où le milieu serait prêt à accepter des activités minières sur le territoire. On a parlé des résidus miniers. Un autre élément, ça a été, on a pris l'engagement de ne pas faire d'extraction minière de soir et de week-end pour préserver le caractère de villégiature du secteur. Il y a un autre commentaire très valable qui a émergé quant à quant au secteur du tourisme. Donc, avec le milieu, on a imaginé un plan d'intégration au territoire. Donc, on a un engagement. Puis ça fait même partie d'une de nos conditions dans le décret du gouvernement. Julie Paquette affirme par ailleurs que Nouveau Monde Graphite répond aux préoccupations environnementales des citoyens de Saint-Michel-des-Saints. Un des principaux risques qui est associé à l'exploitation minière, c'est la question de la qualité de l'environnement, l'impact sur les eaux, notamment en raison des résidus miniers. Donc, lorsqu'on extrait le minerai et qu'on l'achemine à notre concentrateur, donc on broie la roche, on en extrait le graphite, et puis ce qui en reste, donc le reste de la roche, ou à certains égards, c'en est presque du sable, mais c'est ce qui constitue les résidus miniers, puis on doit gérer ces résidus miniers-là. Et ce qu'on a mis en place chez Nouveau Monde, c'est une technologie au niveau de la gestion des résidus miniers qui permet de gérer de manière proactive les résidus pour ne pas que la réaction s'enclenche. Or, pour une partie de la population, du moins, l'industrie n'est pas digne de confiance, particulièrement en ce qui a trait à l'environnement. À Saint-Michel-des-Saints, il n'y a pas d'évaluation indépendante de la qualité de l'eau. C'est Nouveau Monde Graphite, la compagnie minière elle-même, qui est responsable d'assurer qu'il n'y a pas d'impact environnemental, notamment sur la nappe phréatique. En réponse, un groupe de citoyens s'est mobilisé pour lui-même tester la qualité de l'eau s'écoulant du territoire de la mine, de manière indépendante. Pour Rodrigue Turgeon, co-porte-parole de la coalition Québec Meilleure Mine, cette absence de confiance est normale et justifiée. Le gouvernement est ultra complaisant. Les sanctions sont dérisoires. Les compagnies qui dégagent des millions de profits, puis qui pour la plupart de leurs infractions environnementales, puisqu'elles en commettent à tour de bras, là, en moyenne une aux quatre jours, mais les quelques infractions qui leur sont émises, dans la majorité des cas, sont à peine de l'ordre de quelques milliers de dollars. Là. C'est complètement ridicule. Le gouvernement se place dans une logique d'accompagnement des compagnies minières dans une forme de clientélisme et plutôt que de s'assurer de faire des suivis environnementaux serrés sur les sites, on se fie aux compagnies qui vont divulguer eux-mêmes leurs atteintes à l'environnement. Le cas de Saint-Michel-des-Saints est intéressant. Il met en lumière plusieurs des problèmes du système actuel, même si pour certains, il s'agit d'un projet exemplaire. La compagnie Nouveau Monde Graphite a en effet pris plusieurs initiatives afin de s'intégrer dans le milieu de vie du petit village. Mais les dissensions au sein de la communauté sont bien réelles et sont vouées à perdurer. La division entre les villégiateurs et les habitants permanents du village émerge d'intérêts difficilement conciliables. D'un côté, on valorise la quiétude et l'environnement. De l'autre, l'activité économique qui passe souvent à travers l'exploitation des ressources. Les deux intérêts sont légitimes et existentiels pour ceux qui les tiennent. C'est pourquoi c'est en quelque sorte impossible de se prononcer sur le degré d'acceptabilité sociale du projet de Saint-Michel-des-Saints. un lot d'intérêts a prévalu, celui des résidents permanents du village. Et ceux-ci coïncident avec ceux de la compagnie minière et du gouvernement du Québec à en croire ses prises de position pour l'exploitation minière. Le gouvernement du Québec a par ailleurs passé par-dessus les recommandations du BAP, le Bureau d'audience publique pour l'environnement, lorsqu'il a donné le feu vert au projet en 2021 sans qu'il ait répondu aux recommandations du BAP. Si l'on concède que l'acceptabilité sociale a été atteinte dans le projet à Saint-Michel-des-Saints, il faudra revoir la notion pour mettre au clair qu'il ne s'agit ni d'arriver à un consensus, ni vraiment d'en faire une condition sine qua non au développement minier. Préciser de la sorte, c'est une idée qui perd toutefois beaucoup de sa force et de son attrait. Pour Rodrigue Turgeon, le problème avec l'acceptabilité sociale, c'est qu'on s'applique à la trouver qu'à la toute fin du développement d'un projet minier, lors des audiences du BAP. On travaille dans des agendas, dans des échéanciers extrêmement serrés. Il y a peu, au niveau de l'information, la transparence, c'est toujours à gagner. Heureusement, certains projets sont assujettis au Bureau d'audience publique sur l'environnement. Mais ces débats-là sur la vie ou la mort d'un projet minier se font toujours à la dernière minute. C'est quand on arrive devant le Bureau d'audience publique sur l'environnement puis qu'on offre à la communauté d'accueil une tribune indépendante pour adresser ses préoccupations, ben on est à la veille, on est de l'ouverture du projet, on est aux toutes dernières étapes, alors que cet exercice-là devrait se faire au tout début. Nous nous tournons désormais vers Lac des Plages, dans la MRC de Papineau. Des citoyens et certains élus se sont mobilisés. Des ingénieurs, des mouches entrepreneurs, des gens de la finance, des comptables. Des avocats. Des avocats, c'est ça. Pour arrêter un projet de mine graphite dont le développement est toujours en cours. Pourquoi on pense qu'une mine, c'est pas bon à Lac des Plages, c'est à cause de ça. Dans la méthode qu'ils veulent la faire, dans la méthode qu'ils veulent l'exploiter, qu'ils veulent extraire le graphite, qu'ils veulent traiter le graphite, puis de la manière aussi qu'ils veulent entreposer le rejet minier dans nos bassins versants. La MRC, tu sais, la vision de la MRC, c'est le récréotourisme, la villégiature, la foresterie. Là, si on vient à détruire des forêts, 45 km de forêt, 45 km carrés de forêt pour faire une mine, ben, on s'entend que la biodiversité va bouger. On a tous les risques de pollution par l'air et la pollution par le bruit. Puis l'eau, les écoulements d'eau, nappes phréatiques qui peuvent être déstabilisées. Ou contaminés, carrément. Ou très probablement contaminés. Ouais. C'est ça. Plusieurs des territoires incompatibles avec l'activité minière que la municipalité a essayé de faire reconnaître lui ont été refusés. Et la minière cherche maintenant à s'installer dans une enclave laissée libre entre ceux-ci. Philippe Gagné est président du comité d'opposition à la mine La Loutre de l'Association pour la protection et l'environnement du lac des plages. Il est aussi membre du regroupement de protection des lacs de la Petite Nation. Fait que ça c'est un autre... quand on parle des Tiam, t'as-tu entendu parler de ça? Ouais, c'est ça. Bon, ben, si on se fait niaiser, on se faisait niaiser par Fitzgibbon, parce que si les chalets du lac Doré avaient été de ce côté-là de la rive... Là, je pense qu'on rentrait dans la catégorie des tiennes. Il ne pourra pas faire cette fosse-là. Non. Incapables de protéger leur territoire avec des tiennes, le groupe citoyen s'est tourné vers l'acceptabilité sociale, qu'il voit comme un combat à mener contre la compagnie minière du projet, le MICO. Pour Gilles Charret, conseiller à la municipalité de Lac des Plages, il y a des leçons à tirer des développements à Saint-Michel-des-Saints. Ils ont fait leur enquête, leur survey, puis ils ont trouvé qu'il y avait des gens pour et des gens contre. Automatiquement, ça ouvre la voie à une certaine forme d'acceptabilité sociale. T'as 20, 30, 40, 50 % de la population qui est pauvre, bien, t'as 50 % pauvre. Oublie le 50 % contre, là, t'sais, c'est 50 % pauvre. OK? Alors, c'est comme ça qu'ils ont réussi à passer, les autres, là-bas, là, puis à obtenir leur permis. Parce qu'il y avait du support local. Ce qu'ils n'ont pas dans le cadre de notre projet. Et pour convaincre une majorité de la population que le projet est inacceptable, comment s'y prend le regroupement citoyen? Parce que c'est pris en partant. Là-bas, ça s'est fait en cachette, en catimini. À Lac des Plages, là, on a fait porte-à-porte pour tous les citoyens. On a 630 signatures contre le projet minier, 8 signatures pour le projet minier. Nous, on s'est fait dire mobiliser votre population. Fait qu'on a vulgarisé, on a informé, on a fait des kiosques, on est allé voir, on s'est promené dans les municipalités, on a fait de la représentation auprès des conseils de ville. Parce que tout le monde en entend parler depuis des années. Là, La mobilisation qui a convaincu une majorité des résidents de Lac des Plages de s'opposer au projet minier de l'Omico demande du temps et constitue un coût pour ceux qui y prennent part. On est une quinzaine de membres. On était une quinzaine actifs. Là. J'ai toujours actifs, dit une quinzaine là. Assez actifs. Là, actifs intensément. Là. On parle pas de 2-3 heures par semaine. Là. On parle d'actifs intenses. On parle de... 3-4 jours par semaine, ouais. Temps plein. Là. Moi, j'ai passé quasiment... Ça faisait un an là, que j'étais sur le dossier. Là, j'ai slacké. Là. Mais tu sais, je suis propriétaire d'entreprise. J'ai 2 enfants. Ça nous attire toutes de protéger notre territoire. Là. Mais tu sais, ça a été... Une quinzaine de personnes qui ont mis entre 20 et 30 heures par semaine. On sent Philippe Gagné et Gilles Charest fiers de ce qu'ils ont réussi à accomplir avec leur communauté. Cette activité citoyenne, on est tenté d'y voir la démocratie en action. Mais c'est là tout le paradoxe. Face aux défauts d'institutions qui protègent leur territoire et leur mode de vie, il y a un système en déficit démocratique. Ces citoyens sont forcés de se mobiliser s'ils veulent que leur voix soit entendue et éviter l'exploitation minière dans leur municipalité. Mais cette implication civique remarquable de la part des citoyens a un coût et n'est pas nécessairement disponible pour tout le monde. Des communautés de villégiateurs plus aisées avec davantage de temps disponible sont plus à même de se mobiliser avec succès. Michel Gébrac est professeur émérite au département des sciences de la Terre et de l'atmosphère à l'UQAM. Effectivement, des communautés en voie de disparition, ou dans lesquelles il y a eu une activité industrielle ancienne et qui la voit disparaître, évidemment, ils vont être bien sûr prêts à faire des sacrifices, environnementaux, par rapport à des communautés qui sont passées à une autre activité, qui sont passées à des activités touristiques ou de villégiature, qui impactent aussi le territoire d'une autre manière et qui créent des inégalités également. D'une autre manière. Dès qu'on met une activité extérieure à un territoire, on bouscule le territoire, faut pas se le cacher. Selon lui, l'acceptabilité sociale doit prendre pied sur une vision territoriale claire dont la décision revient à la population locale. Il y a en fait une décision à faire sur qu'est-ce qu'on veut faire du territoire. Est-ce qu'on veut en faire un objet touristique? Est-ce qu'on veut en faire un objet industriel? Okay. Tout ça, c'est des décisions qui, d'une certaine manière, n'appartiennent pas à l'industrie. Ça devrait être une décision démocratique des habitants du territoire. Selon cette vision des choses, l'acceptabilité sociale n'est plus une variable extérieure au développement minier, mais en est un mécanisme intrinsèque et essentiel. Elle n'est plus un point de vue sur un projet, mais plutôt la participation active dans celui-ci d'une population à travers des institutions démocratiques. Or, cela ne se réalisera pas à travers le système des claims miniers, qui est insuffisant, selon Michel Gébrac. Les claims, c'est sûr que les claims, c'est très facile à prendre au Québec. Hein, et d'autant, depuis qu'on a fait un jalonnage sur carte, les gens n'ont même pas besoin d'aller sur le terrain. Donc on peut prendre un claim sur son téléphone portable avec quelques dollars, à condition qu'on n'ait pas de casier judiciaire. Dans des décisions territoriales, il faudrait que ce soit préalable. Il faudrait qu'en fait, il y ait des plans de développement qui soient faits par les municipalités, et qui disent, écoutez, nous, on pense que notre développement, par exemple, il va être touristique, hein, ou de villégiature, okay, ou d'industrie. Puis, c'est ça, décidé démocratiquement. Puis, à partir du moment où on a fait des plans, là, on va pouvoir travailler et réfléchir ensemble. Si on est dans la réaction, on est un peu dans l'ignorance. L'ignorance aussi bien du côté des gens qui prennent des claims, parce qu'ils ne savent pas vraiment ce qu'il y a dessus, que des gens qui vont faire des territoires soustraits, parce qu'eux aussi n'ont pas tout l'ensemble de l'information. Donc il faut que ça soit réfléchi. Hein. Et moi je pense que la bonne idée pour le Québec, c'est effectivement d'équiper les municipalités ou de leur fournir des services de telle manière à ce qu'ils puissent réfléchir à leur avenir. Michel Gébrac fait écho à ce que demandait Jacques Demers de la Fédération québécoise des municipalités dans une récente lettre ouverte adressée au gouvernement québécois. Rendre le processus plus inclusif des municipalités, leur donner une voix avant que les projets soient initiés, avant que les claims soient déposés sur leur territoire. Mais le professeur au département des sciences de la Terre et de l'atmosphère est aussi conscient qu'une telle réforme implique plus qu'une simple rétrogradation de la loi sur les mines. Il implique des savoirs et des moyens. C'est pas très structuré, OK? Puis ça peut être très coûteux. Hein, je veux dire, une municipalité qui a besoin d'un avis technique, là, elle a besoin de coups de main financiers, parce qu'elle n'aura pas les moyens que peut avoir un développeur minier. Donc on a besoin de mettre en place des outils de financement pour aller, et des outils d'expertise locale. On ne va pas demander à une municipalité d'avoir une équipe d'hydrogéologues chez elle, hein, évidemment pas. On a besoin de sociétés de services, d'entreprises de services, de groupements citoyens. On peut donner tout ce qu'on veut comme structure qui permettrait à une municipalité, à un groupement de citoyens, d'aller chercher une expertise correcte. En plus des connaissances et des moyens financiers que mobiliseront un processus à proprement parler démocratique de l'exploitation minière, il y a le temps que cela demanderait. Sans ce temps, l'acceptabilité sociale est impossible à atteindre. Et ce, en dépit de l'empressement général de l'industrie minière pour aller de l'avant. Le principal souci, en fait, c'est qu'il y a, à mon avis, c'est une tension temporelle. Autrement dit, les horloges des mines et les horloges des gens ne sont pas les mêmes. Les horloges des mines, ils sont pressés. Ce sont des investisseurs, ils veulent un retour sur investissement. Ou il y a une demande de lithium, par exemple, et là, on en a besoin pas dans 10 ans, non 3 ans, parce qu'on veut construire des voitures électriques. Le rythme des gens, c'est pas le même. Le rythme des gens, c'est qu'il faut qu'ils s'approprient le projet, il faut qu'ils le connaissent, qu'ils soient capables de le critiquer pour le refuser éventuellement, okay, ou pour l'accepter. Mais c'est toujours très lent. Il faut se rendre compte qu'entre le moment où on découvre un indice et le moment où on a une mine, une fois sur 100, bien, il y a 10 ans. Okay. On ne peut pas faire moins de 10 ans. Parce qu'il faut réduire progressivement le risque minier, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'il y a en fait au démarrage. La Terre est opaque. Okay. La Terre est opaque, comme le système actuel l'est pour la volonté citoyenne dans les projets d'exploitation minière. Le système des claims miniers et des territoires incompatibles avec l'activité minière, les TIAM, ne donne pas suffisamment de pouvoir aux municipalités, selon les élus et les citoyens que nous avons rencontrés. Sans cette capacité à diriger en amont le développement minier, les villes doivent espérer le respect de la volonté de leur population, telle qu'exprimée par l'acceptabilité sociale. L'acceptabilité sociale est une notion qui signale un progrès historique de la relation entre l'industrie et les communautés, mais qui reste floue et manque d'emprise sur les projets miniers, puisqu'on tend à y donner forme à la toute fin du processus via les audiences du BAP. On a souvent entendu au cours des entrevues pour ce reportage un appel à la co-construction, à l'implication des municipalités à l'origine des projets miniers, notamment à travers l'aménagement du territoire. Pour que cela se réalise, la démocratie locale devra être munie de nouveaux pouvoirs, et cela, le gouvernement du Québec seul pourra les lui donner. Nous l'avons constaté au cours de cette série de reportages, les municipalités sont le lieu de tous les combats pour l'environnement, et leur sous-sol ne fait pas exception. Au-delà des nouveaux pouvoirs qu'on pourrait vouloir leur donner, il leur faudra de plus amples ressources, mais aussi un accès accru à la science, à des experts qui pourront les guider, bref, au savoir, de manière à ce que dans les décisions qu'elles prennent, elles restent bel et bien les deux pieds sur terre. C'était « Ville et fractures, le claim de la discorde », un reportage de Renaud Chicoine-McKenzie, produit avec l'assistance de Paul Fontaine. Merci à Tracy Lindman, notre mentor dans le cadre du programme de la Canadian Association of Journalists. Merci également à notre chercheuse, Daphne Saint-Louis Ventura. Notre musique originale est composée par Hugo Méran et cette émission est co-réalisée par Renaud Chicoine-McKenzie et moi-même, Paul Fontaine.